êtes actuellement sur le répondeur de l'homme. Veuillez laisser un message qu'il écoutera peut-être après la fin du monde. Je te retransmets ce message, simple miroir de mes songes. Avant de retourner m'adapter chez vous et vivre dans le mensonge. L'indifférence enfonce la lame, la vérité fait des slaloms. Ce texte n'est qu'un massage de l'âme ou un message à l'homme. Je te retransmets ce message, simple miroir de mes songes. Avant de retourner m'adapter chez vous et vivre dans le mensonge. L'indifférence enfonce la lame, la vérité fait des slaloms. Ce texte n'est qu'un massage de l'âme ou un message à l'homme. Pensant être une espèce supérieure chargée d'une quelconque mission, et pourtant toujours aussi faible quand on sait que c'est en érection. Ce qui différencie de l'animal, tu peux tuer par plaisir. Te laisser dominer par désir, pensant être à l'image de Dieu. Tu flattes une illusion de conscience, mais les seules traces laissées dans les cieux sont celles de ta pseudo-science. Assis-toi et regardons les faits dans leur globalité. J'ai flashé l'homme en excès dans un délit d'inhumanité. Tu ne réalises ton héritage qu'une fois que ta femelle est enceinte. La guerre pour la paix, voilà l'ironie d'une guerre sainte. La promesse du paradis déconditionne une vie sans but. Du moins pas celui que t'as fait croire. Le monde capitalisme en rue, parqué dans des océans, et tu commences à le réaliser. Alcool, sexe, drogue, comme un besoin de s'en échapper. La mort vous fait peur, elle vous fait peur, hein. Qu'importe la thune, un jour tu meurs, hein. Je te retransmets ce message, simple miroir de mes songes. Avant de retourner m'adapter chez vous et vivre dans le mensonge. L'indifférence enfonce la lame, la vérité fait des slaloms. Ce texte n'est qu'un massage de l'âme ou un message à l'homme. Je te retransmets ce message, simple miroir de mes songes. Avant de retourner m'adapter chez vous et vivre dans le mensonge. L'indifférence enfonce la lame, la vérité fait des slaloms. Ce texte n'est qu'un massage de l'âme ou un message à l'homme. Tu ris face à tes ancêtres qui se sont fait manipuler, mais tu acceptes le 11 septembre et son manège articulé. Quelle ironie, la religion te donne l'illusion d'exister, mais quand elle cause des millions de morts, les beaux parleurs sont désistés. Allez, continue de détruire la nature, allez, des forêts en tirer son air pur. L'écosystème est remplacé par le système économique. Pourtant vous êtes toujours esclaves de votre structure anatomique. Tu penses t'élever dans l'art, mais elle-même régie par la thune. Ta connerie t'amènera à aller polluer la lune. Fleur en pleine extermination, c'est le verdict pour la verdure. Pour les espèces en voie d'extinction, vous ne faites que des procédures. Les résistances font traiter de fous, se voient écrasés par la foule. Car ceux qui prédisent l'orage ne font que s'attirer la foudre. Fais manger plus, baiser plus, savoir plus. Progrès devient une addiction, mais tu oublies ton petit penchant pour l'autodestruction. Je te retransmets ce message, simple miroir de mes songes. Avant de retourner m'adapter chez vous et vivre dans le mensonge. L'indifférence enfonce la lame, la vérité fait des slaloms. Ce texte n'est qu'un massage de l'âme ou un message à l'homme. Je te retransmets ce message, simple miroir de mes songes. Avant de retourner m'adapter chez vous et vivre dans le mensonge. L'indifférence enfonce la lame, la vérité fait des slaloms. Ce texte n'est qu'un massage de l'âme ou un message à l'homme. Hiérarchie mondialisée, t'es utile tant que tu peux acheter. Et ceux qui réalisent tes vices finissent rapidement en HP. Société de consommation, illusion de liberté du peuple. Toute ton identité est recueillie sur des papelards. Tu mesures ton intelligence par un système scolaire, mais toujours aussi incapable face au système solaire. Manipulation mondiale, axée sur vos changements d'humeur. Si Dieu t'a fait à son image, c'est qu'il avait beaucoup d'humour. Avant de rester devant des écrans, vous allez devenir des machines. Cerveau branché à une prise de télé. Imagine, tu me dégoûtes à formater tes prochains comme des chiens. Et encore les chiens sont fidèles et ne mordent que comme Weber au fin. Les sept péchés capitaux font toi un être à part. Débarre, tu penses que sur l'arche de Noé c'est toi qui tenais la barre. Je t'accuse de crime prémédité, allez ouf tes oreilles. La fin du monde ne sera pas causée par le soleil. Votre message a bien été enregistré.